L'archange Jophiel, beauté divine et sagesse illuminante. Découvrez la puissance de la beauté et de l'illumination avec l'archange Jophiel. Qui est l'archange Jophiel? L'archange Jophiel, dont le nom hébreu signifie « beauté de Dieu », est une figure céleste majeure reconnue dans diverses traditions spirituelles, notamment dans l'angéologie chrétienne, juive et ésotérique. Considéré comme l'un des sept archanges principaux, Jophiel occupe une place unique dans la hiérarchie céleste en tant que gardien de la beauté divine et porteur de sagesse illuminante. Dans l'iconographie religieuse et spirituelle, Jophiel est souvent représenté comme un être d'une beauté transcendante, baigné dans une aura lumineuse aux teintes dorées et violettes. Ces couleurs ne sont pas choisies au hasard, leur symbolise la sagesse divine et la pureté spirituelle, tandis que le violet représente la transformation et l'élévation de la conscience. On le dépeint fréquemment tenant un cristal lumineux ou une flamme, emblème de l'illumination et de la clarté mentale qu'il apporte. Jophiel est vénéré comme l'ange de la beauté sous toutes ses formes, physiques, mentales et spirituelles. Son rôle va bien au-delà de l'esthétique superficielle, il est le promoteur d'une beauté profonde qui émane de l'intérieur et se manifeste dans nos pensées, nos actions et notre perception du monde. En tant que gardien de la sagesse, Jophiel est également associé à l'acquisition de connaissances, à la compréhension profonde des mystères de l'univers et à l'élévation de la conscience humaine vers des plans supérieurs de compréhension. Dans certaines traditions, Jophiel est considéré comme l'ange qui a guidé Adam et Ève hors du jardin d'Éden, non pas comme un punisseur, mais comme un guide compatissant les aidant à naviguer dans leur nouvelle réalité. Cette légende souligne le rôle de Jophiel en tant que mentor spirituel, aidant l'humanité à trouver la beauté et la sagesse même dans les moments les plus difficiles. Les rôles et attributs de l'archange Jophiel. Gardien de la beauté divine, Jophiel nous aide à percevoir et à créer la beauté dans tous les aspects de notre vie. Il nous encourage à voir au-delà des apparences superficielles pour apprécier la beauté intrinsèque de toute création. Son influence nous pousse à embellir non seulement notre environnement physique, mais aussi nos pensées et nos relations. Porteur de sagesse et d'illumination, en tant que porteur de la « lumière de Dieu », Jophiel éclaire notre esprit et élève notre conscience. Il nous aide à accéder à des niveaux plus profonds de compréhension, à développer notre intuition et à acquérir une sagesse qui transcende le savoir intellectuel. Sous son influence, nous pouvons atteindre des moments d'illumination spirituelle et de clarté mentale. Inspirateur de créativité, Jophiel est souvent invoqué par les artistes, les écrivains et tous ceux qui cherchent l'inspiration créative. Il stimule notre imagination, nous aide à surmonter les blocages créatifs et nous encourage à exprimer notre vérité intérieure à travers diverses formes d'art. Son énergie peut déclencher des vagues d'inspiration et des idées novatrices. Promoteur de la pensée positive, un aspect crucial du travail de Jophiel est de nous aider à transformer nos pensées négatives en affirmations positives. Il nous enseigne le pouvoir de la pensée positive et comment celle-ci peut littéralement transformer notre réalité. Jophiel nous guide pour cultiver un état d'esprit optimiste et constructif, même face à l'adversité. Guide spirituel, dans notre quête de connaissances spirituelles et d'éveil, Jophiel agit comme un mentor céleste. Il nous aide à comprendre les enseignements spirituels profonds, à interpréter les signes et les symboles divins, et à naviguer sur le chemin de notre évolution spirituelle. Son énergie soutient notre croissance personnelle et notre quête de sens. Protecteur contre la pollution mentale, dans un monde saturé d'informations et de distractions, Jophiel nous aide à maintenir un esprit clair et focalisé. Il nous protège contre les influences négatives et les pensées toxiques, nous aidant à créer un espace mental sacré propice à la réflexion profonde et à la méditation. Facilitateur de l'apprentissage et de la mémoire, certaines traditions associent Jophiel à l'amélioration des capacités d'apprentissage et de mémorisation. Il est parfois invoqué par les étudiants et les chercheurs pour les aider à absorber et à retenir les informations plus efficacement. Harmonisateur des relations, la beauté que Jophiel apporte s'étend également aux relations humaines. Il nous aide à voir la beauté en chacun, à cultiver la compassion et à harmoniser nos interactions avec les autres. Comment invoquer l'archange Jophiel? Pour invoquer la présence illuminante de l'archange Jophiel, vous pouvez utiliser diverses méthodes spirituelles. La clé est d'approcher cette pratique avec un cœur ouvert et une intention sincère. Voici quelques suggestions. Prière, vous pouvez utiliser une prière simple ou élaborée pour vous connecter à Jophiel. Voici un exemple que vous pouvez adapter selon vos besoins. Archange Jophiel, gardien de la beauté divine et de la sagesse céleste, je fais appel à votre présence illuminante. Guidez-moi vers une perception plus élevée de la beauté qui m'entoure et en moi-même. Inspirez ma créativité et éclairez mon esprit de votre sagesse divine. Aidez-moi à transmuter mes pensées négatives en affirmations positives et à élever ma conscience vers de nouveaux sommets de compréhension spirituelle. Ouvrez mes yeux à la beauté cachée dans chaque expérience de vie et renforcez ma capacité à créer et à apprécier la beauté dans toutes ses formes. Je vous remercie pour votre guidance, votre inspiration divine et votre présence lumineuse dans ma vie. Amen. Méditation, créez un espace calme et confortable. Allumez une bougie jaune ou violette si possible. Fermez les yeux et visualisez-vous entouré d'une lumière dorée et violette. Imaginez Jophiel devant vous, rayonnant de beauté et de sagesse. Respirez profondément et laissez son énergie vous envelopper. Vous pouvez lui poser des questions ou simplement rester dans sa présence, absorbant son énergie de beauté et d'illumination. Affirmation, répétez des affirmations positives associées à Jophiel, comme « Je perçois et crée la beauté dans tous les aspects de ma vie. Ma conscience s'élève vers de nouveaux niveaux de sagesse et de compréhension. Je suis inspiré et créatif, VE, dans tout ce que je fais. Mes pensées sont positives et éclairées. » Utilisation de cristaux, certains cristaux sont associés à l'énergie de Jophiel, notamment l'améthyste, pour la spiritualité, la citrine, pour la créativité, et le quartz clair, pour la clarté mentale. Tenez un de ces cristaux pendant que vous priez ou méditez pour amplifier votre connexion. Art et créativité, engagez-vous dans une activité créative comme la peinture, l'écriture ou la musique en dédiant votre création à Jophiel. Cela peut être une forme puissante d'invocation et de connexion. Contemplation de la beauté, passez du temps dans la nature ou observez une œuvre d'art en demandant à Jophiel de vous aider à percevoir la beauté divine qui s'y cache. Signe de la présence de l'archange Jophiel. La présence ou l'influence de l'archange Jophiel dans votre vie peut se manifester de diverses manières. Voici quelques signes à observer. Une perception accrue de la beauté dans votre environnement. Des éclairs d'inspiration créative ou des idées brillantes soudaines. La vue de lumière dorée ou violette. Un sentiment de clarté mentale et d'optimisme renouvelé. Une compréhension plus profonde des concepts spirituels. Une attirance soudaine pour l'art, la musique ou d'autres formes d'expression créative. Des rêves ou des visions remplis de symboles beaux et significatifs. Synchronicité liée à la beauté. Sensibilité accrue à la beauté de la musique, des couleurs ou des textures. Désir d'embellir votre environnement ou votre apparence d'une manière qui reflète votre beauté intérieure. Pensée plus positive. Moment d'illumination. Conclusion. L'archange Jophiel, dans son rôle de gardien de la beauté divine et porteur de sagesse illuminante, nous rappelle que la beauté et la sagesse sont des aspects essentiels de notre croissance spirituelle. En nous connectant à son énergie, nous pouvons apprendre à percevoir la beauté dans toutes les facettes de notre existence, à cultiver une pensée positive et à élever notre conscience vers de nouveaux niveaux de compréhension. Que vous cherchiez à stimuler votre créativité, à affiner votre perception spirituelle ou à transformer votre perspective de vie, l'archange Jophiel est là pour vous guider et vous inspirer. N'oubliez pas que la véritable beauté réside non seulement dans ce que nous voyons à l'extérieur, mais aussi dans la sagesse et la lumière que nous cultivons à l'intérieur. Article suivant, Zadkiel, l'archange de la miséricorde et de la transformation. Partagez votre expérience. Avez-vous déjà ressenti la présence inspirante de l'archange Jophiel dans votre vie? Nous aimerions entendre votre histoire. Partagez votre expérience ci-dessous.